Assalamu alaikum, bienvenue dans le chat du Rakiya. Nous sommes là pour répondre à vos questions spirituelles et vous guider dans votre parcours de guérison. Inch'Allah.